Chapitre 8. Leçon de Mademoiselle Tom. À peine Gisèle s'était mise au travail que M. Tocambel et la tante Montclair vinrent voir Léontine. Madame de Montclair. Bonjour, Léontine. Bonjour, petite. Tu travailles? Que je ne vous dérange pas. Mademoiselle Tom, continuez comme si je n'y étais pas. Et vous, père Toc, allez causer avec Léontine. Je vous rejoindrai tout à l'heure. Léontine. Mais, ma tante, j'aurais peur. Madame de Montclair. Quoi? De quoi as-tu peur? Ce n'est pas de mon grand savoir. Gisèle est persuadée que je suis une vraie cruche d'ignorance. Va-t'en, va-t'en, laisse-nous travailler. Commencez, mademoiselle Tom, ne les écoutez pas. Et vous autres, allez-vous-en. Monsieur Tocambel et Léontine sortirent. Mademoiselle Tom commença. Mademoiselle Gisèle, nous allons faire une petite répétition de la semaine passée. Prenons l'histoire de France et puis l'histoire sainte. Comment appelez-vous le premier roi de France? Gisèle. Ce n'est pas difficile, c'est Pharaon. Madame de Montclair. Comment Pharaon? Tu veux dire Pharamonde? Gisèle, avec assurance. Non, ma tante. Mademoiselle Tom m'a dit que c'était Pharaon. Mademoiselle Tom. Oh, mademoiselle Gisèle, vous savez que c'est Pharamonde. Dites-moi qui était Pharaon. Gisèle. Pharaon Ier était roi de France et de Navarre. Il est vrai qu'il y a eu un autre pharaon qui pêchait des poissons rouges dans un grand étang, où il s'est noyé en se penchant par la fenêtre. Mademoiselle Tom, indignée. Oh, mademoiselle Gisèle, devant votre tante. Gisèle, d'un air innocent. Je dis ce que vous m'avez appris, quoi. Que faut-il dire? Je ne sais pas, moi. Madame de Montclair. Ah ah ah, c'est très joli. Je vois que tu es encore plus forte que moi, comme ignorance. Laissons la France, mademoiselle Tom, et passons à l'histoire sainte. Mademoiselle Tom, très mortifiée. Je ne sais pas ce qui prend à mademoiselle Gisèle. Elle savait tout cela sur le bout des doigts jusqu'à Charles IX. Gisèle. Ah oui, je sais très bien. Le Charles qui a passé devant la barrière de grand-père quand il s'est en allé en Angleterre. Monsieur Tocambel y était, je crois. Et vous aussi, ma tante, n'est-ce pas? Madame de Montclair, riant. Ah ah ah, passe à Adam et Ève, ma fille. Je vais t'interroger, moi. Comment s'appelait le fils d'Abraham? Gisèle, réfléchissant. Le fils d'Abraham? Ah oui, je sais, c'était Noé. Madame de Montclair, riant de plus en plus fort. De mieux en mieux. Et qui était Isaac? Gisèle. Isaac? C'était un vieux juif qui achetait et vendait toutes sortes de choses. Madame de Montclair. Bravo. Laissez donc, mademoiselle Tom, cela va très bien. Qu'est devenu Joseph, le fils de Jacob? Gisèle. Joseph? Je crois qu'il a été tué par les Juifs parce qu'il a donné un tombeau pour ensevelir notre Seigneur Jésus-Christ. Madame de Montclair, se levant. Très bien, ma fille, très bien. Tu es forte sur l'histoire sainte. Mademoiselle Tom, vous avez une élève qui vous fait honneur. Si vous en avez plusieurs de cette force, elles vous feront une réputation dans le monde savant. Ah ah ah, très joli, très amusant. Madame de Montclair quitta Gisèle et entra au salon riant de toutes ses forces, tandis que mademoiselle Tom, interdite et désolée, se mit à pleurer en face de Gisèle, radieuse du tour qu'elle avait joué à la pauvre maîtresse, dont les leçons l'ennuyaient. Monsieur Tocambel, pourquoi riez-vous donc si fort, baronne? Qu'avez-vous entendu de si drôle? Madame de Montclair. Ah ah ah, si vous saviez. Ah ah ah, quel dommage que vous n'ayez pas été là. Une répétition. Ah ah ah, comme vous n'en avez jamais entendu, mon bon père Toc. Léontine. Est-ce que Gisèle n'a pas bien répondu? Madame de Montclair. Parfaitement, admirablement. Pharaon Ier, roi de France. Charles IX, qui a passé il y a 36 ans devant la barrière de ton père. Abraham, père de Noé. Isaac, vieux juif, revendeur d'occasion. Joseph, qui a donné un tombeau pour ensevelir notre Seigneur. Je n'avais jamais entendu chose pareille. Bon Dieu, quelle instruction, quel élève. Madame de Montclair se leva. Il faut que je te quitte, Léontine. Ma fille m'attend. Léontine. De grâce, ma tante, ne dites rien, ne racontez rien de ce que vous a dit Gisèle. Vous feriez un tort sérieux à Gisèle et à la pauvre mademoiselle Tom. Madame de Montclair. Ah, cette pauvre Tom, était-elle vexée? C'est sa faute aussi. Pourquoi n'apprend-elle rien à Gisèle? Une fille de 10 ans, qui répond tout ce qu'elle a répondu. Mais sois tranquille, je n'en parlerai pas. Elle perdrait ses moyens d'existence. La méthode doit être fameuse. Ah bien, ce n'est pas moi qui recommanderais la pauvre Tom. Monsieur Tocambel. Attendez, baronne, attendez. Laissez-moi entrer là-dedans pour éclaircir ce mystère. Cette pauvre Tom, comme vous l'appelez, est une personne fort instruite. Je le sais, j'en suis certain. Il y a quelque chose là-dessous. Monsieur Tocambel entra dans la chambre de Léontine où travaillait Gisèle et en ferma la porte. Madame de Montclair se mit à la porte et y colla son oreille, riant encore et espérant entendre quelque chose d'amusant. Léontine resta dans son fauteuil, pensive et triste. Elle craignait de trop bien deviner la cause de la gaieté de sa tante et de la prétendue ignorance de Gisèle. La peur de voir ses craintes vérifiées l'attristait profondément. « Mon Dieu, se disait-elle, Gisèle serait-elle réellement méchante ? Ou bien n'est-ce qu'un enfantillage, une plaisanterie dont elle n'a pas prévu les conséquences pour Mademoiselle Tom ?» Madame de Montclair ne riait plus. Elle écoutait encore. Enfin, elle quitta son poste et revint s'asseoir près de sa nièce. Sa gaieté avait disparu. « Léontine, dit-elle très sérieusement, prépare-toi à gronder Gisèle. Elle a répondu tout de travers pour jouer un tour à sa maîtresse dont les leçons l'ennuient. La pauvre Tom pleure. Gisèle rit. Le père Toc gronde. « Tu es faible, toi. Mais pour le coup, il faut que tu grondes. C'est méchant ce qu'a fait ta fille. Pas de grâce pour les méchancetés. » Léontine agitée. « Gisèle est si jeune, ma bonne tante. Elle n'a pas réfléchi que cette plaisanterie pouvait faire tort à sa maîtresse. Vous savez que les enfants aiment à rire et à faire rire. Elle aura voulu vous amuser. » Madame de Montclair. « Léontine, prends garde. Ne te laisse pas aller à ta trop grande indulgence. Gronde et punis quand il le faut. Les voici qui viennent. « Je veux voir comment tu t'en tireras. » Monsieur Tocambel ouvrit la porte. « Passez, Mademoiselle Tom. Parlez à Madame de Gerville. » « Mademoiselle Tom. Madame, permettez-moi d'expliquer devant Madame votre tante ce qui s'est passé. » « Madame de Montclair. Ce n'est pas nécessaire, ma pauvre demoiselle. Je comprends à présent, et ma nièce comprend aussi. Gisèle vous a fait une malice que j'appelle une méchanceté, et vous avez peur que je ne dise partout que vous êtes une ignorante. C'est cela, n'est-il pas vrai ? » « Mademoiselle Tom. « Je crois que oui, madame. Seulement, je me permettrai d'ajouter que je demande de cesser mes leçons à Mademoiselle Gisèle. Je les crois inutiles pour elle et fâcheuses pour moi. » « Madame de Montclair, vous avez raison, ma chère demoiselle. Gisèle n'apprendra jamais rien, et vous ne gagnerez jamais rien avec cette petite. Parle donc, Léontine. Tiens, regarde dans la glace la figure que tu fais, pâle et triste comme une condamnée à mort. Voyons, courage. Approche, Gisèle. » « Léontine. « Mademoiselle, pardonnez, je vous prie, une espièglerie que Gisèle ne recommencera pas, je vous assure. Gisèle, viens faire des excuses à Mademoiselle Tom, qui est toujours si bonne pour toi, et promets-lui d'être à l'avenir bien sage et bien appliquée à tes leçons. » Gisèle s'approcha. Gisèle, avec une feinte humilité, « Mademoiselle, je vous promets d'être à l'avenir bien sage et bien appliquée à mes leçons. » « Mademoiselle Tom, c'est possible, Mademoiselle Gisèle, mais ce ne seront pas les miennes, car je répète que je ne vous les continuerai pas. » Madame de Montclair, vous avez bien raison, ma pauvre Tom. À votre place, j'en ferais autant. Allez, allez, ma pauvre enfant, je vous aurai d'autres élèves, soyez tranquille. » Mademoiselle Tom remercia, salua et sortit. Léontine sentit qu'elle avait eu tort de diminuer la faute de sa fille devant elle. « Gisèle, dit-elle sévèrement, devant Mademoiselle Tom, j'ai cherché à t'excuser, mais devant ma tante et notre amie, je te dis que je suis très mécontente de toi. Je vois parfaitement que tu as mis de la malice dans les réponses que tu as faites devant ta tante, car je venais de te dire que ton ignorance ferait tort à Mademoiselle Tom. Tu mérites une punition sévère et tu l'auras. Nous devions tous dîner chez ton oncle Pierre pour la fête de ta tante. Tu resteras à la maison, seule avec ta bonne. Va dans ta chambre. Tu m'as fait beaucoup de peine. J'espère que tu y réfléchiras quand tu seras seule et que tu le regretteras. » Gisèle n'osa pas résister devant sa tante et devant M. Tocambel. Elle comprit que la soumission était le seul moyen de diminuer sa faute à leurs yeux, et elle obéit à sa mère sans hésiter. Léontine se jeta dans son fauteuil et pleura. Madame de Montclair, l'embrassant, « Allons, allons, ma fille, ne t'afflige pas. C'est bien, c'est très bien. Tu avais mal commencé et tu as bien fini. Elle a bien parlé, n'est-ce pas, mon amie ? » ajouta-t-elle en s'adressant à M. Tocambel. « Dites-le-lui donc. Vous êtes là, comme une statue. Encouragez-la. Faites comme moi. » M. Tocambel. « Ma bonne amie, si je ne parle pas, c'est que vous avez tout dit et très bien dit. Le chagrin de Léontine me fait peine à voir. Mais, ma pauvre enfant, consolez-vous. Vous avez bien agi dans l'intérêt de votre enfant. En continuant ainsi, vous la corrigerez de ses défauts et vous serez heureuse de la voir devenir aussi bonne qu'elle est jolie. » « Léontine, merci, mon amie. Vos dernières paroles me vont au cœur. » « Madame de Montclair. Allons, ma petite, je m'en vais pour le coup. À revoir, chez Pierre, à dîner. Ne nous apporte pas une figure d'enterrement. » Père Toc, consolez-la, entendez-vous bien ? Si vous nous l'amenez triste et les yeux bouffis, je m'en prendrai à vous et à votre gazon. Et toi, Léontine, sois sage, ma petite, et pense que ta fille sera un amour si tu le veux. Adieu. » Madame de Montclair disparut. M. Tocambel resta, causa avec Léontine et fit si bien qu'il la laissa faire sa toilette entièrement consolée. « Je vous attendrai chez Victor, lui dit-il. Je le mettrai au courant et je l'empêcherai de défaire votre ouvrage. » Quand Léontine eut achevé sa toilette, elle voulut aller voir Gisèle, mais elle ne la trouva pas dans sa chambre. La bonne. « Mademoiselle est chez monsieur qui est venu la chercher. Il y a un quart d'heure, madame. » Léontine. « A-t-elle beaucoup pleuré, la pauvre enfant ?» La bonne. « Pas du tout, madame. Elle m'a demandé de faire un savonnage pour sa poupée. Elle paraissait fort gaie. Est-ce que madame l'a grondée ?» Léontine. « Je l'ai grondée et punie. Elle dînera ici, au lieu d'aller dîner avec moi, chez mon frère. » La bonne. « C'est donc pour cela qu'elle me disait de commander son dîner au cuisinier, parce qu'elle s'ennuyait chez son oncle, qu'elle préférait dîner ici et jouer avec sa poupée. Elle m'a demandé de faire à la poupée une casaque d'été. Je vais la finir tout à l'heure. » Léontine. « Je vous remercie pour elle, Émilie. Vous êtes toujours très complaisante pour ma pauvre Gisèle. Et à propos de casaque d'été, voici 20 francs pour en acheter une pour vous-même. » La bonne. « Je vous remercie bien, madame, de toutes ces bontés. Madame peut compter que je ferai toujours pour mademoiselle Gisèle tout ce que je pourrai pour la contenter. » Léontine alla chercher Gisèle chez son mari. Elle la trouva sur les genoux de son père. M. Tocambel feuilletait un livre. « Je vous attends, ma chère enfant, pour vous mener chez Pierre, » dit-il en se levant. Léontine. « Et vous, Victor, est-ce que vous ne venez pas ? Vous n'êtes pas encore habillé. » M. de Gerville, avec embarras. « Non, je reste à la maison. J'ai mal à la tête. » « Je suis fatiguée. Excusez-moi auprès de Noémie et de Pierre. » Léontine. « Mais Victor, ce ne sera pas aimable pour Pierre, qui nous réunit tous pour la fête de Noémie. » Monsieur de Gerville avec humeur. « Pas tous, puisque Gisèle n'y va pas. » Léontine. « Monsieur Tocambel a dû vous dire que Gisèle avait mérité d'être punie. » Monsieur de Gerville. « Oui, oui, il me l'a dit, mais comme je ne veux pas que Gisèle soit à l'abandon avec les domestiques, je reste avec elle. » Léontine. « Victor, je vous assure que Gisèle... » Monsieur de Gerville. « C'est bien, je sais ce que vous allez dire, mais je considère comme un devoir de ne pas négliger à ce point son enfant, et je veux rester à la maison afin de veiller sur elle. » Gisèle. « Merci, mon bon cher papa. Avec vous, je suis toujours sage et heureuse, et avec les autres, je ne sais pas pourquoi, je m'ennuie et je fais des bêtises, et on croit que ce sont des méchancetés, comme tantôt avec mademoiselle Tom, que j'aime beaucoup pourtant. » Monsieur Tocambel, d'un air moqueur. « Vous aimez beaucoup de monde, ma belle enfant. Vous m'aimez beaucoup. Vous aimez votre oncle Pierre, vos 3 tantes, votre grand-tante de Montclair. Et pourtant, il n'y paraît pas. » Gisèle rougit, hésita un instant, embrassa son père et dit « Je ne peux pas aimer tout le monde autant que j'aime papa, qui est si bon pour moi. Alors vous êtes tous jaloux de lui. N'est-il pas vrai, papa ? Ils sont jaloux ?» Monsieur de Gerville riant et embrassant Gisèle. « Cela se pourrait bien, mon cher amour. Ils peuvent bien aussi être jaloux de toi, car je t'aime plus que tout au monde. » Gisèle. « Même plus que maman ?» Monsieur de Gerville hésita, mais cédant aux caresses de sa fille, et à ses instances, il répondit « Eh bien oui, même plus que maman. » Gisèle sourit d'un air triomphant à sa mère, qui ne répondit que par un regard douloureux qu'elle jeta sur son mari et sur Gisèle. Léontine. « Adieu, Victor. Adieu, pauvre et cher enfant. « Venez, mon ami, je suis prête, » ajouta-t-elle en prenant le bras de M. Tocambel.